la vie, c'est chacun sa merde, chacun ses ennuis. Il se fait tard, chacun rentre chez lui. Moi je vais pas rentrer, tu connais, je suis Khali. Il me faut du Khalis pour que le rap s'acharasse. Déchiré sous camage, pilote n'importe comment. Dans un bolide allemand, y'a ma fumage devant. Moi sport, je suis à devin. J'écris des textes, moi je suis pas devin. On peut mourir tout à l'heure, mais on se dit à demain. Même si on se parle plus, appelle si t'as besoin. Tu sais pas que j'ai galéré avec mes deux mains. Je prenais des 100 grammes et je coupais des gros vins. J'ai fait du bénéf, j'allais pas dans le sud. J'ai tout claqué dans le studio. Pas de chauffage dans la Clio. Rabat tous, absolute mango. J'ai 69 appels manqués. Attends, le cause demande à moi, stup. Aïes, Kanzo et Navo. Eux et nous, c'est pas le même niveau. Y'a Jalil derrière les barreaux. L'allemand vient, on stack la sup. Une semaine à Porto Rico. Et rage picole. J'ai de la potion dans le vibron. Faut que je m'isole. Faut que j'accomplisse ma mission. Et rage picole. J'ai de la potion dans le vibron. Faut que je m'isole. Faut que j'accomplisse ma mission. Faut que j'accomplisse ma mission, j'ai de la potion dans le vibron. Faut que j'accomplisse ma mission. J'picole, j'vais pas bien dans ma vie. Souriant, mais j'suis rempli de soucis. J'touche pas la système, j'fais encore des sous sales. Quand elle a à l'école, j'détaillais dans le sous-sol. Dans la zig, moi j'espère réussir. On aime trop la vitesse, on a pas peur de mourir. Dans nos têtes, on fait tout à l'envers. On savait pas marcher, qu'on voulait déjà courir. Non, ma belle, j'pourrais pas tout acheter. J'ai des priorités, trop de bouches à nourrir. Moi, la tête, j't'avoue, j'l'ai trop zoné. Mais j'ai tout fait dedans, j'me vois même y mourir. J'aurais aimé toute ma vie, elle m'a trahi, c'est ça la vie. J'suis solo dans le navire, j'me pose des questions sur ma vie. J'ai trop d'ennui, j'ai pas dormi de la nuit. J'picole, j'pense à ma vie. J'ai trop d'ennui, j'ai pas dormi de la nuit. J'picole, j'pense à ma vie. Et rage picole. J'ai de la potion dans le vibron, faut que j'm'isole. Faut que j'accomplisse ma mission. Et rage picole. J'ai de la potion dans le vibron.